Ouais, j'en ai marre, négro. Ouais, négro, j'ouvre ma porte. On essaie de me baiser. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai marre, négro. Les fanatiques vont savoir ce qui se passe. Je fais des cauchemars. Toute la nuit, je négro, réveille, tout en sueur, augmenté, putain. Où est mon flingue? Je fais des cauchemars. Je me réveille surtout pas, chérie. Toute la nuit, je me réveille, tout en sueur, augmenté, putain. Où est mon flingue? Hier soir, j'ai eu un rêve que j'étais en train d'assassiner Oméga Zra et Amin Reagan. Ces deux salauds de colons qui se prennent pour des Français, deux immigrants qui m'ont volé mon euro. Je n'en dis rien. Hein? Croyez qu'on était après vous avoir ouvert les portes du château. Vous émergez payé pour vos billets, bande de petites putes. Où est mon oseille? Même ma famille était dans vos putains de DVD de merde que je hais. Pendant que moi je fusillade, je queen. Mort à Patrick extravagant, lourd avec le 9-3. AGOD Part 3. QBC 4112. Tout ce qui m'intéresse c'est la musique. Et toi de nous diviser. Espèce d'arabe de merde qui veut mettre les nègres en esclavage. C'est la mode en France ou quoi? Hein? De ramasser la merde pour les arabes. Jamais moi je suis haïtien libre. On te fusillera, négro. Je vois des démons dans mon sommeil. On te hante, négro, on t'aura. D'ici à Queensbridge, on se parle. On cause, négro, t'essayes de voler quoi? Mes relations avec QBC. Venez dans une petite pute, c'est trop tard pour toi. À Queensbridge, la gloire est partie. Négro, il ne reste que des histoires. Je vois des démons dans mon sommeil. Je fais des cauchemars. Toute la nuit, je me réveille, tout en sueur, augmenté, putain. Où est mon flingue? Je fais des cauchemars. Toute la nuit, je me réveille, tout en sueur, augmenté. Surtout ne me réveille pas. Tu veux me faire un négro, ouais. Je me réveille en pleine nuit, tout en sueur, quoi. Ramasse mon flingue, je vérifie le chargeur. Wind up, viens me chercher dans un carton. Deux jeunes PD à éliminer, les cheveux sont d'illuminer. Un rap criminel, de la rive nord, cœur et la belle. Je porte la feuille sur mon aile. Long canon dans le rap, Laurent Pantalon. 2000 kilos dans un sac à main d'une femme canon. Transport, exportation, contrôlé HLM. Distribué le GHB, THC, plein de pollen. La fumée dans mon haleine, GG, mon emblème. À coup de AK, on règle les problèmes. LA, on fait notre chemin. À coup de machette, clou des maisons, coupe tes têtes. Tranche la gorge d'un trait. L'homme de la guillotine, je suis le cauchemar américain. Noir et professionnel avec sa mine. Mais c'est faux négro en mode sourdine. Comme une télécommande, mes tueurs assassins sur commande. Il est presto sur demande. La pédale à fond, rien à foutre d'une amende. Laval, tueur vocal. Flamboyant, style lyrical. Excel sur l'hydroponique, médical. Je fais des cauchemars. Toute la nuit, je me réveille, tout en sueur. Ne me réveille pas. J'allais assassiner Gavra. Toute la nuit, je me réveille, tout en sueur, augmenté, putain. Où est mon flingue? Espèce de dromadaire avec ta tête de chamois, mon cocu. Grâce au Roi Enoch, t'as fait la télé, hein? Hein? Maintenant, tu veux tous nous baiser? Fred Anak, hein? D-Damage, Ace One, ton propre frère, hein? J.O.D. Maintenant tu veux Benitan, tu veux Kanelli, hein? Tu fais même Joachim travailler pour toi, hein? Te ramener des images, hein? Tu veux tous nous mettre en esclavage, nous baiser, fais gaffe, négro, fais gaffe. La rue est vers l'or pour payer ton appartement sur Paris. Ouais, t'as peur de vivre dans les cités ou quoi? Tu te frottes au bas de tout, hein? Dans ces appartements de luxe sur Paris, hein? Tu nous prends pour des PD ou quoi? Espèce de nègre à cheveux plats de merde. T'as oublié le numéro de Jean-Marie? Hein? Et pour Olkairi, qui t'a sauvé? Lorsque tu savais bien que Olkairi était fanatique du roi. Il parle comme moi, il prend mes échantillons dans ses chansons. Maintenant tu nous mets à froid, hein? Tu mets les noirs contre les noirs, mon espèce de pied noir. Ouais, et Prodigy que tu aimes tant sucer, hein? Que tu veux tant t'approcher. Vas-tu lui dire que tu as sorti son album sur l'Europe sans lui refiler un sou? Hein? Reste vrai, négro, c'est comme ça? Hein? C'est ça ton amour pour le Queens? t'adore Wynock, t'adore Prodigy, t'adore God for the Part 3, Nady, tu nous adores tous, hein? C'est ça ton amour pour le Queen? Tous nous baiser? Fais gaffe, négro, on se parle de tous, t'entends? Ouais, les cartes sur la table, hein? Hein? Queen jusqu'à ma mort, R.E.P. même Gali, t'entends? Ouais, négro, si, t'inquiète, t'inquiète.